après la valse, André Verschuren, toujours lui, nous invite pour le tango, nous invite. L'orchestre de Claudie Musette avec Carillon d'Auvergne. Mon si beau pays d'Auvergne, dont la rose bruyère et les grands châtaigniers bercent mon rêve enchanté. Sonnez, sonnez, cloches joyeuses, chantez ma verte campagne. Torrents fougueux, corées ombreux, sentiers fleuris des montagnes. Carillonnez les ritournelles, faites venir les danseurs et voltigez les dentelles telles que les garçons enjôleurs. Ouattamez les joueurs

une petite marche, une marche qui se prénomme Galito. C'est une très jolie valse bavaroise sur la route de Bavière avec l'orchestre de Benjamin Durafour. Thank you. La chanson d'Orphée, oh, c'est pas pour dormir, hein. Ce n'est pas pour dormir, mais c'est un gentil petit slow que je vous invite à danser. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Thank you. va laisser passer la chanson et on retrouvera tout de suite derrière la Java du Contentin. Que vous la connaissez, oh, bien sûr, cela fait un petit moment qu'elle a raccroché son piano à bretelles, mais il nous reste toujours ses CD et on va écouter Les Retraités par Monique. Besoin d'attendre le dimanche, on les voit partout, dans toutes les croisières, et même quelquefois à l'autre bout de la terre, dans l'été dansant, ils s'amusent comme des enfants, à qui plus rien n'est interdit. L'ami Fernand me disait l'autre jour, sept jours, mais plus de réveil et plus d'horaire. Oui, vraiment, c'est chouette de ne rien faire. Un petit jardin, un balcon, quelques fleurs, une petite belote suffit à mon bonheur. On part en voiture à la campagne et on va marcher à la montagne. Et puis dans la semaine, on va se retrouver au bal des retraités. Les retraités ont bien de la chance, ils n'ont plus besoin d'attendre le dimanche. On les voit partout, dans toutes les croisières, et même quelquefois à l'autre bout de la terre. Dans l'été dansant, ils s'amusent comme des enfants, à qui plus rien n'est interdit. Qui travaillent, ils attendent les congés, c'est pour partir en Méditerranée. mais quelquefois ils n'ont pas de chance, car il pleut pendant toutes les vacances. Les retraités, s'il pleut un beau matin, ils ont le temps d'attendre le lendemain. Ils ne sont plus pressés, ils ont de la veine, et c'est comme ça tout au long de la semaine. Dans quelques années, vous les retrouverez pour aller danser au bal des retraités. Les retraités ont bien de la chance, ils n'ont plus besoin d'attendre le dimanche. On les voit partout, dans toutes les croisières, et même quelquefois à l'autre bout de la terre. Dans l'été dansant, ils s'amusent comme des enfants, à qui plus rien n'est interdit. Dans l'été dansant, ils s'amusent comme des enfants, à qui plus rien n'est interdit. L'orchestre de Stéphanie et Dominique Floquet avec Prenez mon cœur, madame. Le premier jour où vous m'êtes apparu, ce fut pour moi une révélation, car à ce jour j'étais l'homme de la rue qui n'avait pas de bonne fréquentation. J'ai rencontré des femmes dans ma vie sans pour autant m'arrêter sur leur pas. En vous voyant, ce fut de la folie, et maintenant je ne résiste pas. Prenez mon cœur, madame, c'est mon plus grand désir. Il est tout feu, tout flamme, je ne sais pas mentir. Pour votre amour, il bat toujours, c'est un enchantement. Je ferai tout, la nuit, le jour, pour avoir un serment. Je suis heureux, madame, en vous offrant mon cœur. Si j'ai du vague à l'âme, c'est que parfois j'ai peur. Car un sourire de votre part enlèverait tout mon cafard. Prenez mon cœur, madame, j'aurai tant de bonheur. Mais aujourd'hui, ce fut mon jour de fête, car vous m'avez accordé ce tango, et j'ai bien vu que vous aimiez la danse. Ce fut pour moi le moment le plus beau. Je vous sentais bien contre ma poitrine, lorsqu'un frisson a parcouru mon corps. Je me disais, cette danse divine, c'était pour moi le plus beau des trésors. Prenez mon cœur, madame, c'est mon plus grand désir. Je ne sais pas mentir. Pour votre amour, il bat toujours, c'est un enchantement. Je ferai tout, la nuit, le jour, pour avoir un serment. Je suis heureux, madame, en vous offrant mon cœur. C'est que parfois j'ai peur, car un sourire de votre part enlèverait tout mon cafard. Prenez mon cœur, madame, j'aurai tant de bonheur. Thank you. prenez mon cœur, madame, j'aurai tant de bonheur. Aurélien Schneider et son orchestre, bien évidemment, Reine d'Andalousie. Pour des raisons techniques, vos dédicaces doivent impérativement nous parvenir au plus tard le jeudi avant 10h pour une diffusion le dimanche suivant. Merci de votre compréhension. La bande à Bardet nous propose la valse des flocons. We'll be right back. D'oiseaux. Eh oui, on les entend plus beaucoup, ces petits oiseaux. Eh bien, ils sont là, sur le 91 et sur le 102.5. Thank you. Germaine, est-ce que vous la connaissez, Germaine? C'est vous, Germaine? Eh bien, bonne fête, Germaine. C'est votre fête aujourd'hui. Puis on termine bien sûr avec l'orchestre, la bande à Bardet, un gars comme lui. Quand il me tient dans ses bras virils, j'ai la tête qui tourne. Moi j'aime tout ce qu'il a, c'est pas les fragiles, même quand on cocoune. Pour sur un gars comme lui, ça fait des jaloux, ça crée des envies. Ceux qui se croient bien bâtis, les vrais durs pas, les mous se sentent tout petits. Les filles n'ont Dieu que pour lui, pour ses bras musclés, sa large poitrine. Je m'en manque quand vient la nuit, je lui fais oublier toutes ses gamines. Contre lui je suis si bien, j'attends ses baisers, on ne dit plus rien. Quand il est trop contre moi, le temps peut s'écrouler, c'est la fête, croyez-moi. Je ne pense qu'à lui, je ne pense qu'à mon homme. C'est toute ma vie, je vis pour mon homme. Quand je suis seul, tout me semble triste. Un jour sans lui, tout devient sinistre. Si je devais vivre sans mon homme, sûr j'en mourrais, privé de mon homme. Quand il sourit, je fonds de bonheur. Il est le seul qui fait battre mon cœur. Lui c'est pas le genre cadeau, car il est fauché, mais quelle importance. Ce qu'il me donnait si beau, des tonnes de baisers, pour ça j'ai de la chance. Quand il m'offre quelques fleurs, moi ça me suffit, j'aime pas les bijoux. Je ne désire que son cœur, me serrer contre lui et vivre un amour fou. Il me dit des mots si doux, des mots pour rêver, et mon cœur voyage sans promettre le Pérou. Il sait me combler, c'est pas des mirages. Pour le garder, je l'avoue, je ferai n'importe quoi, je suis prête à tout. Mais je ne fais pas de soucis, son cœur est tout à moi, on s'aime pour la vie. Je ne pense qu'à lui, je ne pense qu'à mon homme. C'est toute ma vie, je vis pour mon homme. Quand je suis seule, tout me semble triste. Un jour sans lui, tout devient sinistre. Si je devais vivre sans mon homme, sûr j'en mourrais, privé. Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Voilà, le musette est terminé pour cette émission et nous allons tout de suite eh bien, débuter la variété. Et cette variété, on va la débuter avec une dédicace. Depuis plusieurs mois, sa santé s'était quelque peu dégradée. Avec beaucoup de courage, l'aide de sa famille et quelques amis proches, il a parcouru ce long chemin qui l'a amené là-haut dans les étoiles. Jean-Claude Léchaud, ancien gérant du Bœuf Royal, que tout le monde connaît à Chaînes-en-Semine, a laissé un vide immense. Lui qui a tant donné aux autres, s'en est allé sans faire de bruit, laissant sa famille et ses amis dans la peine. Mais de là-haut, il continuera à faire vivre et chanter avec toutes celles et tous ceux qui, comme lui, ont laissé un grand vide ici-bas. Jean-Claude aimait beaucoup Daniel Guichard. Dans la chanson « Mon vieux » que nous allons écouter, « Mon vieux » sera suivi par un adieu, un au revoir, par l'orchestre d'Alain Morisseau. Dans son vieux par-dessus râpé, il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux, mon vieux. Il n'y avait qu'un dimanche par semaine, les autres jours c'était la graine qu'il allait gagner comme on peut. Mon vieux, l'été, on allait voir la mer. Tu vois, c'était pas la misère.

toujours. Un On continue, puisque la vie est ainsi faite, on continue cette émission avec Mike Brandt, Dis-lui. Je ne pense à rien. Édith Piaf, qui nous dit « À quoi ça sert l'amour ?» Oh, Édith, l'amour, parfois, fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. À quoi ça sert l'amour ? On raconte toujours des histoires insensées, à quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas, c'est une chose comme ça, qui vient on ne sait d'où, et vous prend tout à coup. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer? L'amour ça sert à quoi? À vous donner de la joie, avec des larmes aux yeux, c'est triste et merveilleux. Pourtant on dit souvent, l'amour c'est décevant, qu'il y en a un sur deux, qui n'est jamais heureux. Même quand on l'a perdu, l'amour qu'on a connu, vous laisse un goût de miel, l'amour c'est éternel. Tout ça c'est très joli, mais quand tout est fini, il ne vous reste rien qu'un immense chagrin. Tout ce qui maintenant te semble déchirant, demain sera pour toi un souvenir de joie. En somme, si j'ai compris, sans amour dans la vie, sans ses joies, ses chagrins, on a vécu pour rien. Mais oui, regarde-moi, à chaque fois j'y crois, et j'y croirai toujours, ça sert à ça l'amour. Mais toi t'es le dernier, mais toi t'es le premier, avant toi il n'y avait rien, avec toi je suis bien, c'est toi que je voulais, c'est toi qu'il me fallait, toi que j'aimerais toujours, ça sert à ça. D'entendre Édith Piaf qui nous parlait de l'amour, à quoi ça sert l'amour, eh bien Frédéric François, lui, n'en a qu'un, un seul amour. Je vous laisse découvrir. C'est toi qui coule dans mes veines. Sans toi j'arrête d'exister. T'es mon soleil, mon océan, mon oxygène, la femme qui m'a tellement manqué. Le ciel écoute ceux qui s'aiment, et moi j'ai tant prié. Je n'ai rien qu'un amour, et cet amour c'est toi. Je ne laisserai personne me priver de tes yeux, de ton corps sur moi. Et je me suis juré d'être l'ange et le démon de tes nuits, le mendiant et le roi de ta vie. J'ai mis mes forces et mes rêves dans cette histoire avec toi. J'ai reconstruit ton cœur cassé avec mes lèvres. J'ai mis des fleurs entre tes bras. L'amour qu'on blesse se relève. Je veux mourir de toi. je n'ai rien qu'un amour. Et cet amour, c'est toi. Je ne laisserai personne me priver de tes yeux, de ton corps sur moi. Je veille sur toi. Les musiciens, c'est une chanson qui date de 1983. Elle nous est interprétée par Georges Moustaki. Ailleurs, un jour on vit, un jour on pleure. On est les musiciens, on est les baladins, on se balade dans ce jardin fleuri de joie. Oiseau de nuit, un peu moqueur, faiseur de pluie, parfois menteur. On est les musiciens, on est les baladins, on se balade en ce jardin. Et de douleur, amour, ami, amant de cœur, bonsoir, merci et sans rancœur. On est les baladins, on se balade dans ce jardin, fleuri de joie et de douleur. Se balade dans ce jardin, fleuri de joie et de se balade en ce jardin, fleuri de joie et de douleur. On est les baladins, on se balade en ce jardin, fleuri de joie. Mourir de plaisir, oh écoutez, c'est Gérard Berliner qui va nous l'interpréter. Radio locale, la seule à vous accompagner avec vos souvenirs, Sorgia FM. On retrouve toujours avec grand plaisir Georges Brassens. Je me suis fait tout petit. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes.

Patrick Fiori. Patrick Fiori, t'en vas pas maintenant. Non, c'est pas fini, ce n'est pas loin pour que cette émission se termine, mais c'est pas fini. T'en vas pas maintenant. Choisis un autre jour. Là, j'ai vraiment pas le temps. Je suis vraiment à la bourre. Et puis t'as vu dehors, tu vas prendre l'orage. Y'a la grève des transports, c'est plein d'embouteillages. On part pas un dimanche, et je m'en fous qu'on soit mardi. Y'a des risques d'avalanche, et puis j'ai pas envie. T'en vas pas maintenant, y'a des trucs à ranger. Les machines à vider, tu peux même faire semblant. Regarde, t'as pas fini toute ta pile de bouquins. Et pourquoi juste aujourd'hui tu traînes pas dans ton bain? Et d'abord j'ai plus les clés, j'sais plus ce que j'en ai fait. Depuis tes drôles d'idées, j'perds tout, j'sais pas ce que j'ai. T'y pars pas aujourd'hui, des journées y'en a plein. Qu'est-ce qu'elle t'a fait celle-ci, si t'attendais demain? Et tu feras quoi dehors, sans tes murs, sans un toit? Si tu changes de décor, c'est moi qui serai sans toi. Promis, je ferai des efforts, tu me reconnaîtras pas. Je sais bien quand tu sors, c'est ici qu'il fait froid. Autant va pas maintenant, reste encore un moment. 30 ans, ça fera l'affaire. Faut pas que j'exagère. Tu peux partir un jour, et si tu reviens les nuits, si tu reviens toujours, mais pars pas aujourd'hui. T'en vas pas maintenant. Eddie Mitchell, le grand schmoll, toujours un coin qui me rappelle. Ah oui, toujours un coin qui me rappelle. Je marche seul le long des rues où nous allions tous deux avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai. Si tu restes la vie de ma vie, oh, oh, oh, oh. Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne. L'on allait danser le soir. Je me revois là t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier? Il y a toujours un coin qui me rappelle. Toujours un coin qui me rappelle. Je suis né pour t'aimer et je serai toujours ainsi. Tu